بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous continuons, mes chers frères, le charh inshallah de Usul al-Thalatha de Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab rahmatullah alayh. Donc nous nous étions arrêtés lors de la dernière séance à la parole du mu'allif, de l'auteur, qui dit "Ilam rahimakallah annahu yajibu alayna تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام." Donc nous avions expliqué quels étaient ces trois types de connaissances. Donc l'explication de ces trois types de connaissances en montrant que la connaissance se divisait en deux parties, la connaissance donc naturelle du cœur, al-qalbiyya al-fitriyya, donc qui est une connaissance qui en réalité se trouve dans la poitrine de chacun, et que cette connaissance n'était pas prise en compte en elle-même, mais que la connaissance qui était demandée était la connaissance législative, qui est donc une connaissance intérieure prenant source dans le cœur, mais devant donner obligatoirement naissance à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, concernant donc la connaissance d'Allah. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est réelle que si elle donne naissance à l'obéissance à Allah azza wa jal. De même, la connaissance du prophète alayhi salatu wa salam n'est une connaissance législative et prise en compte que si elle donne naissance à l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la prise de ses lois comme juge dans nos sujets de dispute et autres critères que nous avions évoqués. Puis nous avions parlé de la religion, de l'islam, en expliquant que l'islam avait plusieurs sens. D'abord un sens linguistique, qui est la soumission. Et que ce sens est utilisé par Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Ali Imran, donc dans le Coran. Et dans d'autres endroits du Coran aussi. Et cette soumission-là est donc une soumission au qadar, à la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une soumission universelle. Et qui n'est pas une soumission de choix. Donc toute créature est soumise dans ce sens-là, que ce soit l'animal, le végétal, le musulman, le mécréant ou autre. Quant au sens de l'islam dans le sens législatif, il y en avait deux. Le premier, qui est donc l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala suivant la législation prônée par le prophète donc de l'époque. Donc Adam alayhi salatu wa salam, la religion qu'il a apportée était l'islam, ainsi que Ibrahim alayhi salam, ainsi que Moussa, ainsi que Isa. L'islam, donc, suivre ces prophètes-là à leurs époques respectives, c'était être musulman et c'était être selon la religion de l'islam. Puis depuis l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sens restreint de l'islam, donc le second sens législatif, est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala selon le chemin légiféré par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc depuis l'envoi du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, chrétiens, juifs et autres nommés musulmans à leur époque ont perdu ce statut-là et sont désormais mécréants. Donc nous avons bien expliqué et insisté sur le fait qu'il est interdit d'appeler aujourd'hui les chrétiens ou bien les juifs comme étant musulmans. Ceci est interdit par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis nous avions laissé une expression que le shir donc a dit après wa ma'rifatu din al-islam, il a dit bil adillah, donc avec les preuves. Donc ce qui paraît ici le sens primaire propre du texte du shir Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est qu'il conditionne la connaissance du dalil pour que la croyance soit authentifiée et donc acceptée. En apparence, puisqu'il a mis cette expression-là, c'est ce qui paraît être son avis. Wallahu a'lam. Et l'avis le plus authentique par rapport à cette notion-là, qui est-ce que le taqlid, donc le suivi, est accepté dans les notions de iman, de tawhid, dans les notions de aqida. Et ça, c'est un point de divergence qui a eu lieu après le siècle des Sahaba radiyallahu anhum. Mais à l'époque des Sahaba radiyallahu anhum, il n'y a pas de divergence sur le fait que la croyance donc de la personne est acceptée même par taqlid, même par donc suivi simplement des avis juridiques d'un savant, par imitation. Pourquoi ? Quelles sont les preuves de cela ? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas spécifié la demande ici. N'a pas spécifié la demande en disant « Demandez aux gens de science si vous ne savez pas dans les ramifications » comme la prière, comme le jeûne, comme la zakat ou autre. Non. Il n'a pas spécifié. Donc la demande aux gens de science se fait dans les sources, donc dans les fondements de la religion, et aussi donc dans les ramifications de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le premier dalil. Je répète, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Demandez aux gens de science si vous ne savez pas ». Les gens se divisent en deux catégories. Le savant, al-alim, ou al-jahil, l'ignorant. Il n'y a pas une catégorie intermédiaire. Même pas les boulaïm, le demandeur de science, ça c'est pas une catégorie intermédiaire en réalité. Il rentre dans les jahil, il rentre dans les juhala, il rentre dans les ignorants. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne sait rien. Mais le jahil dans ce sens-là, c'est le non-savant, c'est celui qui n'est pas savant. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à cette première catégorie, lorsqu'ils sont donc dans l'inconnu par rapport à une notion, quel comportement il aura légiféré la demande. Le questionnement des gens de science. Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Et donc dans ce contexte étudié ici, les notions se divisent en deux catégories. Donc ce que l'on va appeler nous les fondements et les ramifications dans ce contexte-là. Donc les notions de iman, de foi en Allah subhanahu wa ta'ala, aux anges, aux livres, etc. Tout ce qui est en lien avec la aqida, et notamment les grands fondements de la aqida, qui lorsqu'ils disparaissent, il y a disparition de l'islam, c'est ce que nous voyons ici dans ce texte-là avec le texte de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, est-ce qu'il est permis d'imiter, de suivre Ahl al-Ilm, les savants, dans ces points-là. Donc l'avis authentique, et c'est le consensus des compagnons radiyallahu anhum, c'est qu'il est permis. Donc preuve numéro 1, fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah a ordonné aux ignorants de demander aux gens de science et n'a pas dit demander simplement dans les ramifications. Mais quant au point en lien avec les fondements de la foi, de l'islam, ne demandez pas. Non. Donc demandez de manière absolue. Et la demande des gens de science, donc c'est demander l'avis juridique. Ce n'est pas demander le dalil avec. Ça, c'est la première preuve. Deuxième preuve, c'est le comportement des sahaba et même du prophète Mohammed alayhi salatu wasalam avec les gens qui entrent en islam. Il n'y a aucun hadith, aucune histoire où le prophète sallallahu alayhi wasalam a conditionné pour authentifier l'islam de quelqu'un qu'il connaisse la preuve. Et de même, les compagnons, lorsqu'ils ont ouvert les différentes conquis, différentes régions, et que les gens sont entrés en islam, les gens prononçaient la shahada sans connaître les preuves du Coran et de la sunna de cette notion-là. Les gens croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala, au prophète alayhi salatu wassalam, sans que ne soit préconditionnée la connaissance des adillah, des preuves. Et le hadith le plus clair à ce niveau-là, c'est le hadith d'Imam ibn Tha'laba, radiyallahu anhu, qui est dans Sahih Muslim. Et l'imam Nawawi prend d'ailleurs cette conclusion à laquelle nous arrivons, par ce hadith-là, que le taqlid, donc l'imitation, dans les notions, les fondements de la religion, sont permis. Donc, il dit même Ibn Tha'laba, c'est un homme qui est venu, donc qui a attaché sa bête, chameau ou autre, c'était une chamelle, naqa, dans le hadith, devant la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, et il est entré, il a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, inni sa'iluk, je vais te poser des questions, wa inni mushaddidun alayka fi su'al, je vais être ferme envers toi dans les questions. Fala tajidanna fi nafsik. Donc, ne trouve pas de désagrément, ne te vexe pas par rapport à cela. Il lui a dit, man khalaqa sama, qui a créé les cieux? Il lui a répondu, Allah, etc. Il lui a posé des questions, puis il lui a dit, Allahu arsalak. Il lui a dit, est-ce que c'est Allah qui t'a envoyé. Il lui a dit Allahumma na'am, il lui a dit oui. Puis il lui a donné simplement les piliers de l'islam sans les preuves, sans lui établir les preuves du Coran et donc et par ses paroles à lui-même, donc la sunna. Puis Dimab ibn Tha'laba a attesté qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam est entré en islam et est reparti dans son peuple. Et même il a dit « Inni rasulu rasulillahi man wara'i » Je suis le messager du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux gens que j'ai laissés derrière moi, par rapport à mon peuple. Et puis il est retourné dans son peuple et il a prêché et il a fait la da'wah. Et l'imam Nawawi extrait donc cette conclusion qu'il est donc permis d'avoir le taqlid dans Usuluddin. Et de même l'imam Ibn Hazm, mais c'est un point consensuel. À la base, c'est les Mu'tazila, hein, cette secte-là qui disent qu'il n'est pas permis donc de faire le taqlid dans Masail al-Aqidah, dans les points de Aqidah. Par contre, ce taqlid-là, il y a une condition qui est conditionnée, car nous avions donné la définition d'al-aqidah au début, au premier dars. Nous avons dit que al-aqidah s'est pris de al-aqd, le nœud, le fait de. Et il y avait des sens qui étaient donc tirés de ce sens linguistique, de cette définition linguistique, qui était la fermeté, hein, que al-aqidah, ça renvoie à quelque chose de ferme, de tranché. Et donc al-aqidah, le taqlid est permis dans l'aqidah, mais avec une condition qui est la conviction. Avec la condition qu'il y ait conviction. Donc même si la personne suit un savant, donc dans des points de aqidah, comme c'est le cas de nous majoritairement, ceci doit se faire par conviction. Et d'ailleurs, une des lacunes de la parole disant que le taqlid n'est pas permis, c'est que ceci induit le statut de mécréant de la majorité des musulmans aujourd'hui. Car la majorité des musulmans sont muqallidoun, sont des imitateurs dans la plupart de leurs notions d'aqidah. Mais il est certain que celui qui n'est pas muqallid, qui ne suit pas, qui n'imite pas simplement, qui prend un avis comme ça sans savoir, en savoir les preuves, donc qui connaît les preuves du Coran et de la Sunna, est à un degré supérieur que celui qui simplement prend un avis juridique concernant la aqida de la bouche d'un savant sans en savoir les racines dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avions évoqué la parole de Cheikh Ibn Taymiyyah qui disait que le muqallid, un de ses critères différenciateurs avec donc celui qui connaît les preuves, c'est que lorsqu'une shubha lui est apportée, lorsqu'une notion équivoque lui est apportée, et bien ses fondements commencent à vibrer et sont en danger. Alors que celui qui n'est pas dans le taqlid, qui connaît donc les sources du Coran et de la Sunna fondant l'avis selon lequel il adore Allah subhanahu wa ta'ala, est certain que cette personne-là est protégée des choubouhettes et des choses équivoques. Donc ça, c'était par rapport à sa parole bil adillah. Mais est-ce que c'est l'avis de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab? Allah a'lam. Al-ilmu indallah. Mais en tout cas, c'est ce qui apparaît du fait qu'il ait mis cette expression-là. C'est pour ça que certains shurah disent que le mieux, c'est qu'elle ait été enlevée, cette expression bil adillah, et qu'il n'y a pas lieu de la mettre. Notamment car le shir parle de l'authentification de la religion de quelqu'un. Il a dit yajibu alayna. Donc bil adillah, avec les preuves, ça entre aussi dans l'expression, dans toute la phrase, qui commence par donc l'expression sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous. Puis il a donné une suite de notions qui se termine par bil adillah, par preuve. Donc cette connaissance, pour lui, obligatoire, elle doit se faire par les preuves, et Allah a'lam, l'avis authentique des musulmans, c'est que les preuves ne sont pas une condition pour authentifier l'islam d'une personne. Puis le cheikh dit, rahmatullahi alayh, al-thaniyatu al-amalu bih. La seconde notion, donc il est obligatoire pour nous d'apprendre, et al-amalu bihi, donc l'action. Al-amalu bihi, donc c'est agir par cette science-là. Agir par cette science-là. Pourquoi? Parce que al-ilm an-nafi', la science profitable, et c'est la science que nous devons tous rechercher, mes chers frères, la science profitable est la science qui donne pour résultat l'action. La science en elle-même n'est pas quelque chose qui est recherché. La connaissance qui ne donne pas lieu à la pratique n'est pas une connaissance qui est qualifiée de méritée dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celle qui a un mérite et celle qui a les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna, c'est la science qui donne donc naissance à la pratique. Même si certains versets font l'éloge des gens de science sans parler de la pratique. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dis, est-ce que sont du même niveau ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? L'acte n'est pas ici mentionné. Mais ces versets-là doivent être compris dans l'ensemble des textes du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète alayhi salatu wassalam ont mis en garde contre le fait de ne pas pratiquer selon la science que nous avons. Et dans Sunan al-Tirmidhi, nous avons évoqué ce hadith-là au dernier cours, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. La tazulu qadama abdin yawma al-qiyamati hatta yus'ala an arba. » Les jambes, donc du serviteur, ne bougeront pas yawma al-qiyama jusqu'à ce qu'il soit questionné sur quatre notions. Et il a cité parmi ces quatre-là, « وَعَنْ عِلْمِهِ مَا عَمِلَ بِهِ. » Et il sera questionné sur sa science, qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de cette science-là? Notamment, est-ce qu'il a pratiqué cette science-là? Donc ça, c'est une preuve claire que la science en elle-même, si elle n'est pas suivie de pratique, est en réalité une preuve contre la personne qui connaît. Et d'ailleurs, donc chez les salafs, rahmatullahi alayhim, le savant, qui ne pratiquait pas sa science, était un jahil, était un ignorant. Et Al-Fudayl ibn Iyad, rahmatullahi alayh, dit une parole à ce sujet et dit « La yazalu al-alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi, fa'idha amila bihi, sara aliman. » Al-Fudayl ibn Iyad, rahmatullahi alayh, dit « Le savant ne cesse d'être ignorant. » Le savant ne cesse d'être ignorant jusqu'à ce qu'il agisse par sa science. Et une fois qu'il la met en pratique, il devient savant. Donc, Al-Fudayl ibn Iyad, rahmatullah alayh, observez, il réunit au début deux choses qui sont des contraires. Il dit, le savant ne cesse d'être ignorant. Comment ça? Comment est-ce que le savant est ignorant? Parce qu'il porte donc des textes. Il peut connaître le Coran, il peut connaître toute la sharia, il peut connaître les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, avoir des notions ou même être savant en usul fiqh, en l'oral arabien, en langue arabe, etc. Mais la non-pratique de ces connaissances-là ne le font pas sortir du statut d'ignorant. Et ça, c'est important. Cette notion-là, elle est extrêmement importante, même si elle paraît élémentaire. En réalité, pour qu'elle pénètre dans notre vie, ça demande un effort. Car l'être humain, il a un penchant, subhanallah, notamment nous, dans le milieu dans lequel nous vivons, on remarque qu'on a un penchant vers l'apprentissage beaucoup plus que vers la pratique. Et ça, encore, ça revient à la faiblesse de la foi et l'incompréhension hein, que l'on va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on va être questionné sur cette science-là, sur cette connaissance et qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre salut ne sera que par le fait que nous pratiquions par notre connaissance. Mais que la connaissance en elle-même, si elle n'a pas donné lieu à la pratique, ce sera un grave problème par rapport à cette personne qui portait des connaissances. Et ce sera sans doute même pire dans certains cas que l'ignorant. Ce sera pire dans certains cas, que l'ignorant. Donc, « La yazalu al-alimu jahilan » c'est une belle parole ça de Al-Fudayl ibn Iyad. La yazalu al-alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi fa idha 'amila bihi sara 'alima. Le savant ne cesse d'être ignorant jusqu'à ce qu'il mette en pratique sa science et une fois qu'il la met en pratique, il devient alors savant. Et parmi les bienfaits donc de la pratique de la science, c'est que cela permet de renforcer la science, de renforcer les connaissances. Et il est remarqué, et ça aussi c'était quelque chose que les savants du premier siècle prenaient très au sérieux, c'est que la personne qui ne pratique pas sa science l'oublie très rapidement. Celui qui ne pratique pas sa science l'oublie rapidement. C'est pour ça que les gens prenaient soin de pratiquer, dès qu'ils connaissaient un hadith, l'ordre impliqué par ce hadith. Dès qu'ils connaissaient un verset, de pratiquer ce que impliquait ce verset-là. C'est pour cela que ces gens ont mis du temps aussi à devenir ce qu'ils sont devenus. Hein? On lit que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a appris surat al-Baqarah, par exemple, en 8 ans, on lit dans d'autres versions 14 ans, et qu'à la fin, il a égorgé un chameau pour cela. Et même Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, vous trouvez toutes ces paroles dans l'introduction de Tafsir al-Qurtubi, Jami' Ahkam al-Qur'an, de l'imam al-Qurtubi, rahmatullahi alayhi, dans le premier volume, il rapporte ce type de paroles. Et Abdullah ibn Omar dit que, en voyant les enfants de son époque, hein, les enfants donc des tabi'in, comment est-ce qu'ils apprenaient le Coran à une vitesse fulgurante? Il disait qu'à notre époque, le Coran s'apprenait donc en... Il disait non, mon père a appris le Coran, il me semble en 14 ans, 8 ans, de mémoire 14 ans, Allah alam. Et il dit aujourd'hui, l'enfant s'assoit devant moi et en une assise, il lit le tiers du Coran. Donc il arrivait à cette conclusion que ce n'était pas la science du premier siècle. Et effectivement, lorsque l'on compare la science des sahaba radiyallahu anhum à la science des gens qui sont arrivés après eux, les niveaux sont incomparables. Et ceci est en partie dû au fait qu'ils ont mis du temps à apprendre. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis du temps à apprendre? D'abord, effectivement, le Coran n'est pas descendu d'un coup. Ça, c'est certain. Mais leur pédagogie, même pour ceux qui sont arrivés, après que le Coran soit descendu de manière complète, ce sont des gens qui n'ont pas appris le Coran à la vitesse que l'on voit aujourd'hui. Ce n'étaient pas des gens qui simplement s'appliquaient à apprendre par cœur sans connaître le sens des hadiths. Abu Huraira, radiyallahu anhu, c'était un récipient de science. C'était quelqu'un qui avait pris soin de réunir la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam. Il rapporte plus de 5000 hadiths. Mais il connaissait le sens de ces hadiths-là. C'était quelqu'un qui était aussi versé dans les sciences du fiqh, de fiqh al-hadith. Il connaissait le sens des moutounes, des textes qu'il portait. Donc nous disions que les salafs, rahmatullahi alayhim, renforçaient donc leur apprentissage par la pratique. Et il y a une parole qui est rapportée, connue, où les gens disaient « Kunna nasta'inu ala hifdhi al-hadith bil-amali bih ». Donc nous prenions aide par rapport à l'apprentissage du hadith dans sa pratique. Nous prenions aide pour pouvoir apprendre les hadiths dans la pratique de ceux-ci. Donc les gens pratiquaient les hadiths qu'ils avaient, ils les pratiquaient et ceci les aidait à les connaître par cœur. Et observe ta propre vie à toi et tu verras que lorsque tu délaisses une sunna à force, tu verras, subhanallah, que tu ne te rappelles plus de la source de cette sunna-là. Où se trouve le hadith qu'il avait rapporté? Tu n'es plus capable de le restituer. Pourquoi? Parce que la négligence de la pratique fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fait oublier ce texte-là. Et dans Sahih Muslim, donc toujours en lien avec le fait que la science n'est pas visée en elle-même, mais qu'en réalité, ce que l'on vise par la science et la pratique, dans le hadith donc bien connu de Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc dans le hadith, At-tuhur shatrul iman, la purification est la moitié de la foi. Donc dans une partie de ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Wal Qur'an hujjatun laka aw alayk. Et le Qur'an est une preuve pour toi ou contre toi. Donc, yawm al-qiyamah, parmi les gens qui auront appris, donc de un verset à deux à trois jusqu'à le Qur'an de manière entière, donc ce qu'ils connaîtront de Qur'an sera une preuve pour eux ou bien contre eux. Une preuve pour les gens qui l'auront pratiqué, en auront respecté les limites donc imposées par Allah subhanahu wa ta'ala et qui auront appelé à ce Qur'an-là. Donc ces gens-là, incha'Allah, le Qur'an sera une preuve pour eux. Quant aux gens pour lesquels le Qur'an sera une preuve contre eux, ce seront les gens qui l'auront négligé, qui auront outrepassé ses limites, des gens qui ne le pratiquaient pas et qui le connaissaient sur la langue, mais leur cœur était vide donc de Qur'an. Donc ça c'est un point important, Ikhwani, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, notamment nous voyons aujourd'hui que les gens sont intéressés par l'apprentissage. Beaucoup les jeunes sont intéressés par le fait d'apprendre, beaucoup de gens veulent partir apprendre la langue arabe, le fiqh, le Coran ou autre, Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre devant soi. C'est quelque chose qu'il faut mettre devant soi, qu'on apprend pour pratiquer. En réalité, ceci revient aussi au ikhlas, à la sincérité. Lorsque tu médites sur ce point-là, quelqu'un qui veut apprendre et qui ne se soucie pas de la pratique, c'est souvent quelqu'un qui veut apprendre pour les gens en réalité. C'est quelqu'un qui veut apprendre pour paraître. Car la pratique, dans sa majorité, est secrète et entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. La majorité de ta pratique. Alors que ton apprentissage, notamment si ensuite tu veux donner des cours ou autre, prêcher, c'est quelque chose qui va être apparent. Donc tu vas être peut-être leurré par le fait que les gens croient que tu es pieux et quelqu'un qui pratique, car les gens, hélas, n'arrivent pas à comprendre qu'il se peut que quelqu'un soit porteur de science, mais pas porteur de pratique. Et nous avions évoqué le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala au dars précédent, le surat al-Jumu'ah, dans lequel Allah azza wa jalla dit « مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ » L'exemple de ceux, حُمِّلُوا, à qui on a fait porter la Torah, ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا, puis ne l'ont pas portée. كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارَ. Ils sont comme l'exemple de l'âne qui porte donc des fagots de bois sur son dos. L'âne ne sait pas ce qu'il porte, il n'en connaît pas la valeur. Donc celui qui ne connaît pas la valeur du Coran, de la Sunna, hein, va être à même de ne pas les pratiquer. Donc, il y a ici, dans ce verset-là, une différenciation entre le fait de porter la science et le fait de pratiquer la science. Donc, ce qui est important, mes chers frères, c'est d'apprendre pour Allah, Azza wa Jal. D'apprendre pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et non pas pour faire des cours, ou bien pour paraître devant les gens. Sinon, nous allons entrer dans la catégorie mentionnée dans le hadith que nous avions cité au cours dernier, des trois personnes qui seront les premières à brûler dans le feu de l'enfer. Et parmi celles-ci, quelqu'un qui avait appris la science et le Coran, et qui a prétendu, donc, lorsqu'il a été questionné, yom al-qiyamah, par Allah Azza wa Jal, qu'il avait appris le Coran et la science pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui sera dit, tu mens, tu as appris la science pour qu'on dise qu'il est savant. Et tu as appris le Coran pour qu'on dise que c'est un récitateur. Puis il sera traîné sur son visage et sera jeté dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous protège. Donc la notion de ikhlas ne doit jamais nous quitter. C'est une notion qui ne doit être présente aussi, inshallah, dans l'apprentissage de la science. Donc le cheikh a dit al-thaniyatu al-amalu bih. Donc cheikh al-Uthaymin ici, il dit comme commentaire qawluhu al-amalu bih ay al-amalu bima taqtadihi hadhihi al-ma'rifatu min al-iman billahi wal-qiyam bi ta'atihi bi-imtithali awamirihi wajtinab nawahihi min al-ibadat al-khassah wal-ibadat al-mutaaddiyah fal-ibadat al-khassah mithlu as-salah was-sawm والحج والعبادات المتعدية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. Donc le Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh commente cette expression là, la seconde, la pratique de la science, en disant sa parole, donc al-amal bih, la pratique de la science, c'est-à-dire la pratique de ce qu'implique cette connaissance. Donc la connaissance qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'implication de cette connaissance implique, pardon, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, son obéissance, donc à ce qu'il a ordonné, le délaissement de ses interdits. Donc que ce soit en adoration donc personnelle, al-ibadat al-khassa, ou bien al-ibadat al-muta'addiyah, ou bien les adorations qui ont donc un lien avec autrui. Il dit donc les adorations personnelles, comme par exemple la prière, le jeûne, le pèlerinage. Donc ceci est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. La prière, c'est une adoration donc spécifique, dont l'intérêt, à la base, est un intérêt qui revient à ta propre personne. Donc la prière, le jeûne ou autre. Puis il dit aussi, ainsi que les adorations, al-muta'addiyah, qui donc sont en lien avec autrui, comme ordonner le bien, interdire le mal, et le combat fi sabilillah, et ce qui est de ce type-là. Donc c'est en lien avec ce que nous avions dit au dernier cours. Donc al-amalu bih, ici le shir, donc insiste sur l'action et il dit donc que ça fait partie des quatre obligations qu'il explique ici, parce que la connaissance, al-ilm, qui a été cité avant l'amal, n'a de sens et n'est réel que si jamais il donne naissance au amal, à la pratique. Cheikh Al-Uthaymin continue et dit wa al-amalu fil haqiqati huwa thamaratul ilm. Et la pratique en réalité est le fruit de la science. Faman amila bila ilm faqad shabaha an-nasara. Wa man alima wa lam ya'mal faqad shabaha al-yahud. Donc le Cheikh rahmatullah alayhi Cheikh Al-Uthaymin dit et la pratique en réalité est le fruit de la science, de la connaissance. Celui qui agit sans science à ressembler aux juifs. Non, celui qui agit sans science a ressemblé, pardon, aux nasara, aux chrétiens. Et celui qui a la connaissance, mais qui ne pratique pas, a certes ressemblé aux juifs. Et ça aussi, c'est un point important, subhanallah. Les gens se divisent en trois catégories. Les gens qui connaissent et qui agissent. Et ce sont, bihaoulillahi azzawajal, na'am, les musulmans. Les gens qui connaissent et qui agissent en fonction de cette connaissance-là. Notamment lorsqu'il est question de la connaissance, donc des fondements de la religion et de ce que nul n'est censé ignorer. Ceux qui connaissent cela et qui agissent en fonction de cela, ce sont les musulmans. Puis il y a une autre catégorie, ce sont ceux qui ignorent ceci, qui ignorent cela, mais qui agissent. Ce sont les chrétiens et ceux qui entrent dans cette catégorie de personnes qui agissent sans science. Puis la troisième catégorie, ce sont ceux qui ont de la connaissance, mais qui n'agissent pas selon celle-ci. Et ce sont les juifs, et donc toute personne entrant dans la catégorie, donc des personnes qui connaissent et qui n'agissent pas. Et dans le Fatiha, akhi fillah, tu demandes toi-même chaque jour la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le fait d'être dans une de ces catégories. Par ta demande d'être sur Ihdina sirat al-mustaqim, as-sirat al-mustaqim. Par ta demande d'être sur le chemin, le droit chemin, en réalité, tu demandes de ne pas être sur le chemin des juifs, donc de ceux qui connaissent et n'agissent pas selon cette connaissance, ou bien le chemin des chrétiens, le chemin de ceux qui agissent sans connaissance. Qu'est-ce que l'on demande? Ihdina sirat al-mustaqim. Donc guide-nous sur le droit chemin. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ghayril maghdoubi alayhim. Pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, qui sont donc les juifs, et ceux qui sont dans cette catégorie-là de personnes qui connaissent et n'agissent pas selon la connaissance. Wala dallin, ni les égarés, qui sont donc les chrétiens, et les personnes donc qui agissent sans science. Donc pour sortir de ces deux extrêmes égarés, qui sont donc les gens qui agissent sans science ou bien les gens qui connaissent et qui n'agissent pas, il nous appartient donc d'apprendre, c'est pour ça que le shir a commencé par cela, al-ilm, puis d'appliquer, c'est pour ça qu'il a ensuite apporté la deuxième notion qui est le fruit de la première, wal-amalu bih, donc la pratique de cette science-là. Puis le shir dit al-thalitha al-da'watu ilayh, donc la troisième des notions obligatoires à apprendre, c'est ad-da'watu ilay, prêcher. Ad-da'watu ilay, prêcher à ceci. Ilayhi, il y a un damir ici. Ad-da'watu ilayhi, prêcher à ceci. À ceci, est-ce que c'est l'action ou bien la science? Est-ce que c'est l'action ou bien la science? Donc les explicateurs sont de différents avis à ce sujet-là, Allah a'lam. Mais la prêche se fait à la connaissance. La prêche se fait à la connaissance. Car l'acte ne relève pas du prêcheur. L'acte relève du prêché. Mais la connaissance, toi, ce que tu es censé transmettre à la personne que tu prêches, c'est la connaissance, la notion qu'il ignore. Quant à la pratique de cette notion-là, Allah a'lam, ceci relève de sa responsabilité. Est-ce qu'il va agir ou pas en fonction de la connaissance que tu lui auras transmise? Ceci ne relève plus de toi. وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Allah dit rappelle, tu n'es qu'un rappeleur, tu n'es pas quelqu'un donc qui a un pouvoir sur eux, une autorité sur eux. لست عليهم بمسيطر, tu ne les commandes pas. Donc ce qui relève de la responsabilité donc du da'i, du prêcheur, c'est de transmettre les connaissances. Et ceci أيها الإخوة, donc الدعوة إلى الدعوة, ça c'est une action extrêmement honorable. Et les prophètes sont venus avec cette action-là, qui est donc d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui réellement possède le ilm, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ces fondements-là que nous avons vus, et puis qui les met en pratique, il va naître normalement dans son cœur, si réellement il prend connaissance de ce qu'il porte comme connaissance et comme notion, il va naître dans son cœur, bi-iznillah azza wa jalla, un souci pour autrui. Et donc vouloir sauver autrui de ce dans quoi ils sont, en leur enseignant ces choses-là. Donc la da'wah, c'était un acte qu'avaient les prophètes, alayhumus salatu wassalam. Et même le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut devenir complet et atteindre le stade de ce qu'on appelle al-rabbani, d'être quelqu'un vraiment proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et complet dans sa servitude, sa ubudiyah, que s'il ne fait al-da'wa ila Allah, que s'il ne prêche vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est en mettant ce point-là en pratique dans sa vie qu'il ressemblera au prophète, alayhumus salatu wassalam. Et d'autant plus au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui, donc, simplement se cantonne à la connaissance, donc celui-là, nous savons qu'il est dans la perte. Car la connaissance sans l'action est quelque chose en réalité qui ne suffira pas. Et de même, celui qui simplement connaît et pratique et ne prêche pas, de manière absolue, de même celui-là est dans le khusran. Il ne prêche pas de manière absolue, de même celui-là en réalité est dans l'échec. Pourquoi? Nous allons le voir dans Surat Al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala, donc a juré par le temps, l'époque, que tous les humains vont à leur perte, sauf ceux qui se sont qualifiés, donc de quatre qualités, qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, pratiqué les bonnes œuvres, qui se sont entraînés mutuellement, donc dans le bien. Qu'est-ce que le bien ici? Watawassaw bil haqq, qui se sont entraînés mutuellement dans la vérité. La vérité ici, comme nous allons le voir, ce sont justement la foi et les bonnes actions. Watawassaw bil sabr, et qui se sont conseillés mutuellement la patience. Ici, le shaykh dit ad-da'watu ilayh. Il dit que la prêche entre dans ces quatre notions qui sont obligatoires. Donc, quelle prêche est obligatoire? Quelle prêche est obligatoire? Parce que le shirk ici, il a rentré dans ces quatre notions obligatoires. La prêche, en réalité, elle prend le statut de la notion à quoi elle appelle. La prêche vers l'obligatoire est obligatoire. La prêche vers le recommandé est recommandée. La prêche vers le makruh est makruha. La prêche vers le muharram est muharram. La prêche vers le détestable est détestable et la prêche vers l'interdit est interdit. Donc le shaykh ici, lorsqu'il dit « ad-da'watu ilayh », il n'a pas dit « ad-da'wa ». Il n'a pas dit « sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre choses. La première, la science. La deuxième, la pratique. Et la troisième, la prêche. » Il n'a pas dit la prêche, point. Non, il a dit la prêche vers ceci, vers cette connaissance. Et quelle était la première connaissance obligatoire? Est-ce que c'était le ilm de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna? Est-ce que le shirk visait par le caractère obligatoire de la connaissance, par exemple, d'une notion qui est mustahabba, celui qui ne sait pas que le siwak, par exemple, est mustahabba en islam, il ne sait pas cette chose-là, donc il a fait faille à la première connaissance citée par le shirk. Est-ce qu'il entre dans cette catégorie-là? Non, bien sûr. Il parlait donc des trois connaissances qu'il a citées ensuite, la connaissance d'Allah, la connaissance du prophète, la connaissance de l'islam. Donc, quelle est la prêche ici? La prêche vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, vers le tawhid de la seigneurie, de la divinité, et le tawhid de ses noms et ses attributs. La prêche vers le prophète, alayhi salatu wa salam. L'appel au prophète, alayhi salatu wa salam. À le suivre, à le prendre comme modèle, à prendre ses lois comme juge. Et la prêche à l'islam. Donc, ce sont ces prêches-là que le shir ici vise donc la prêche vers les choses qui sont obligatoires. Donc, Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullahi alayhi, là en expliquant ad-da'watu ilayhi, ay ad-da'watu ila ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam min shari'ati Allah ta'ala ala maratibiha ath-thalath aw al-arba'a allati dhakaraha Allah 'azza wa jalla fi qawlihi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al-hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, surah an-nahl. والرابعة قوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم, سورة العنكبوت. Donc le cheikh, Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayhi, dit en expliquant donc ad-da'watu ilayh, il dit c'est-à-dire la da'wa à la science donc de la loi, la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ad-da'wa afwan, c'est ensuite qu'il a dit ça. Il a dit donc la prêche à ce que a apporté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme législation, selon ces trois degrés ou bien ces quatre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans sa parole, Ud'u ila sabili rabbik, appelle au chemin de ton Seigneur, bil hikma, avec la sagesse. Certains mufassirs disent ici, donc c'est la sunnah, wal maw'idhati al-hasana, et le bon discours, wa jadilhum billati hiya ahsan. Donc, et discute avec eux de la meilleure manière, surat an-nahl, les abeilles. Et la quatrième, donc le quatrième niveau de da'wa, que le cheikh a cité, est tiré du verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ. Et donc, ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure manière. Puis le cheikh dit, وَلَا بُدَّ لِهَذِهِ الدَّعْوَةِ مِنْ عِلْمٍ بِشَرِيعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ حَتَّى تَكُونَ الدَّعْوَةُ عَنْ عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْبَصِيرَةُ تَكُونُ فِيمَا يَدْعُو إِلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ الدَّاعِيَةُ عَالِمًا بِالْحُكْمِ الشَّرْعِي وَفِي كَيْفِيَّةِ الدَّعْوَةِ وَفِي حَالِ الْمَدْعُوِ. Le cheikh ici dit des paroles importantes, il dit, et il est obligatoire pour cette da'wah-là, donc d'avoir de la science, de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que cette da'wah-là soit par science et clairvoyance. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceci est mon chemin, j'appelle à Allah par clairvoyance, moi et ceux qui m'ont suivi, gloire et pureté à Allah, je ne fais pas partie des associateurs. Puis il explique al-basira, il explique la clairvoyance. Et dit, la clairvoyance, donc, se doit d'être dans ce à quoi on appelle. Dans ce à quoi on appelle. Donc, le prêcheur doit connaître le statut de ce à quoi il appelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point dans l'explication d'al-basira, la basira donc se compose d'un premier point qui est la connaissance du statut, de la notion à laquelle on appelle. Deuxième point, la manière de prêcher. Le prêcheur doit aussi connaître la manière de prêcher. Troisième point, il doit connaître donc l'état de celui qu'il prêche. L'état de celui qu'il prêche. Donc ça, c'est des paroles importantes que dit le cheikh rahmatullah alayhi. Donc la première chose, c'est connaître le statut de ce à quoi tu prêches. Pourquoi est-ce que cette notion est importante? D'abord, pour pouvoir agir donc dans notre da'wa par priorité. Les prophètes, alayhumu salatu wassalam, lorsqu'ils sont arrivés en face de leur peuple, ils ont trouvé donc différents problèmes. Ils avaient différentes problématiques. Ils avaient des problèmes liés au tawhid, au shirk. Ils avaient des problèmes liés au mu'amalat, aux relations qu'il y avait entre les gens. Ils avaient des problèmes différents face à eux. Mais tous les prophètes, par quoi ont-ils commencé? Ils ont tous commencé parce qu'il y avait de plus important l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, at-tawhid, tawhidullah subhanahu wa ta'ala. Donc, la connaissance des statuts donc, a pour premier intérêt de pouvoir bien programmer sa da'wah. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose aussi, c'est de ne pas appeler d'une manière fausse. Car il se peut que tu ordonnes, par exemple, un bien, pensant que toi, c'est un bien, mais dans la sharia d'Allah, azza wa jal, ceci est un mal. Ceci est un mal. Ou bien il se peut que tu interdises parfois un mal qui pour toi est un mal, mais en réalité est un bien dans la sharia d'Allah, azza wa jal. Donc la méconnaissance du statut va déjà porter une lacune au prêcheur à ce niveau-là. Puis le cheikh, rahmatullah alayhi, a dit, après avoir parlé du statut, de la notion à laquelle on appelle, comment prêcher. Comment prêcher, ça aussi c'est important. Parce que, effectivement, dans la da'wah, si c'est innocenter ta personne yawm al-qiyama par rapport à ta responsabilité, qui est ton but premier, tu as aussi comme objectif, inshallah, que la personne revienne à la vérité. Et ça, c'est un point important. Certaines personnes font abstraction de la manière de prêcher, parce qu'ils disent, moi, ce qui m'importe, c'est simplement transmettre la hujja, iqamatul hujja. C'est-à-dire établir la preuve sur la personne. Après, moi, qu'ils répondent ou qu'ils ne répondent pas, moi, ça ne me dérange pas, ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne te dérange pas, c'est faux, ça ne t'intéresse pas, c'est faux aussi. Par contre, que ça ne relève pas de ta responsabilité, c'est vrai. Ça ne relevait pas de la responsabilité même des prophètes, alayhumu salatu wassalam. Ce qui relève de ta responsabilité, c'est la transmission. Mais qu'ensuite, après cette transmission-là, il n'y ait pas une réponse positive, ceci, non, quand même, doit t'amener peut-être à réfléchir sur ta méthode. Est-ce que tu as procédé de la bonne manière? Donc, la da'wah doit se faire donc par connaissance du troisième critère qu'a cité le shir, c'est l'état du prêché, l'état de celui que tu prêches. Car la connaissance de l'état de celui que tu prêches va te permettre de mettre en place la bonne méthode. Car on ne prêche pas quelqu'un qui est énervé comme quelqu'un qui est dans un état de calme. On ne prêche pas un riche comme on prêche un pauvre. On ne prêche pas parfois les femmes comme on prêche, quand je dis les femmes, c'est-à-dire dans un dars non mixte, selon les critères de la sharia, pour celles qui sont ajnabiyah et pour celles qui sont maharim, ce sont des maharim. Donc notre sœur, notre mère, nous pouvons les prêcher de manière directe comme cela. On ne prêche pas des femmes comme on prêche des hommes. On ne prêche pas un gouverneur comme on prêche quelqu'un de la ra'iyah, quelqu'un du peuple. Et aussi on ne prêche pas donc des étudiants en sciences comme on prêche des awam, des gens qui font partie du commun. Et ça, c'est une erreur que l'on voit parfois dans certains cours. Parfois, des gens commencent des doros, مثلاً dans l'aqidah. Avec l'awam, ils commencent tout de suite tawhid al-asma wa sifat. Ils commencent par cela. Et ils vont commencer à donner les madhhab, par exemple, des firaq d'Allah. Ils vont commencer tout de suite à donner donc des groupes égarés dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la plupart des gens, si l'on observe les gens, Wallahu a'lam, ils sont selon la fitra dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La plupart ne font pas de tashbih, ils ne font pas d'anthropomorphisme, ils font ressembler Allah à sa créature. Ou bien certains ne réfutent pas aussi, ils ne font pas de ta'til, ils ne réfutent pas les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La plupart des gens, tu demandes, Allah il a des mains? Oui, c'est cité dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des yeux? Oui, c'est cité dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il est où? Il va te dire en haut. Personne dit en bas, à gauche, à droite. La plupart des gens, ils disent en haut. Où en haut? Ils disent au-dessus des cieux, dans les cieux. Donc la plupart des gens sont selon la saine nature, al-fitra, al-islam, dans ces points-là. Et donc parfois, certaines personnes vont vouloir, dans une ambiance qui est la nôtre, avec des gens majoritairement ignorants, qui n'ont pas de lien avec la tradition musulmane fort, que ce soit le Coran, la Sunna, les paroles des savants, les kutubs de Aqida ou autres, vont parfois introduire leur doros par ça, leur cours par ça, et vont venir troubler la Aqida des gens. Alors qu'en réalité, il est plus sage de laisser les gens selon cette saine nature. Donc, commencer par ces notions-là, ce n'est pas quelque chose de très sage avec l'awam, je dis bien. Pas avec des gens qui étudient en sciences. De même, d'autres notions comme le takfir, par exemple. Introduire ça avec des gens qui n'ont aucune notion. Ça, obligatoirement, souvent, ça va donner naissance à du roulou, à de l'exagération. Parce que l'ami, la personne qui est du commun et qui n'a pas de lien avec les savants, il ne se contrôle pas souvent. Et lorsqu'une notion lui est donnée, il fait tourner sa religion autour de cette notion-là. Tu l'entends, il ne parle plus que de ça, il ne lit plus que autour de ça, il ne s'intéresse plus qu'aux savants qui parlent autour de ça. Puis ensuite, une exagération peut avoir lieu par rapport à cette notion-là. Donc on peut trouver des manques de sagesse au niveau de la pédagogie dans divers points. Donc la connaissance de l'état, de la personne que l'on prêche, est extrêmement importante. De même, on ne prêche pas un kafir comme on prêche un musulman. Un kafir, on ne va pas le prêcher à des notions donc, qui sont des ramifications. On va le prêcher au tawhid d'abord. On va le prêcher au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'ensuite, inshallah, on l'appelle à autre chose. Et ça, parfois, on va voir des erreurs comme ça aussi. On a des gens, les tariq salah. Ça, c'est des choses que vous avez sûrement rencontrées. Ils ne prient pas. Hein, ils ne prient pas. La première chose à laquelle on doit l'appeler, c'est prier. Qu'ils reviennent en islam et qu'ils prient, qu'ils se prosternent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu vas le trouver, parfois, il a une chaîne en or autour du cou. Il a une boucle d'oreille. Il a un piercing. Il a un tatouage. Il a le djinn qui descend dessous des chevilles. Il se rase la barbe, etc. Par quoi tu vas commencer dans tout ça? Par quoi est-ce que tu vas commencer? Certainement par la prière. Tu vas commencer par la prière. Car nous avons dit que l'absence de prière amène la personne dans le kufr. Donc la première chose à laquelle nous devons l'appeler, c'est qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala en entrant en islam. Puis la prêche se fait par différents moyens. La prêche se fait par différents moyens. Il y a la prêche donc du qaoul, de la langue. La prêche par la parole, par les discours. Al-khutba d'al-jumu'ah, ça rentre dans al-da'wah. Les durus, comme nous faisons, ça entre dans la da'wah. Parler au commun des gens, al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar dans ton quotidien aussi entre dans al-da'wah. Entre dans la prêche. Écrire des livres entre dans al-da'wah. S'enregistrer pour ensuite propager ces audios entre dans la da'wah. Etc. Hein, écrire aussi des lettres, le prophète alayhi salatu wassalam écrivait des lettres au gouverneur mécréant de son époque, ceci entre dans la da'wah. Donc la da'wah prend différentes manières. Si la da'wah effectivement peut prendre différentes formes, mais elle doit quand même, elle est tawqifiyah dans ses usuls. C'est-à-dire elle doit, dans ses fondements, répondre aux preuves du Qur'an et de la sunnah. Il n'y a pas une totale liberté dans la da'wah, je fais comme je veux. Non, on doit prêcher comme on prêchait le prophète alayhi salatu wa salam et les sahaba radiyallahu anhu. Donc ayyuha al-ikhwa, ad-da'watu ila Allah, hadha muhim jiddan, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et notre ummah, communauté, ne reviendra donc à sa supériorité et à son honneur qu'en reprenant donc cette chose-là, cette responsabilité qui est donc d'appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc entre nous, la da'wah se fait, mais aussi vers les mécréants. Aussi, les mécréants doivent être appelés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout nous, hein, mes chers frères, étant vivant ici dans ce pays, c'est de notre responsabilité d'appeler ces gens-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est de notre devoir de les appeler de la meilleure manière. Et parmi donc les outils aussi de la da'wah, les wasa'il, les moyens de la da'wah, il y a l'akhlaq. L'akhlaq, c'est aussi une forme de da'wah. Et c'est sûrement la forme de da'wah qui a le plus gros impact. Que ce soit entre les musulmans, hein, que ce soit tes proches de ta famille ou non, ou que ce soit avec les non-musulmans, c'est sûrement le moyen qui a le plus d'impact. Donc le bon comportement avec ces gens-là, notamment ceux qui ne montrent pas de adawa, qui ne montrent pas d'animosité, hein, de mépris au prophète alayhi salatu wassalam extérieur sur la langue et en acte, ces gens-là, al-bir et mashrou'. Donc al-bir, le bon comportement extérieur, et mashrou', même si la haine intérieure est une obligation qui ne doit jamais s'éteindre. De la mécréance et des mécréances, ceci est toujours présent dans notre cœur, mais al-bir, Allah dit, la yanhaakum Allah 'ani alladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah ne vous interdit pas quant à ceux qui ne sont pas en guerre contre vous et qui ne vous ont pas sorti donc de vos terres, d'avoir un bon comportement avec eux, d'être équitable envers eux, car Allah aime les gens de l'équité. Donc il est important de les prêcher. Nous avons des voisins qui sont mécréants, qui nous observent, notamment pour quelqu'un qui extérieurement renvoie au prophète alayhi salatu wassalam par sa tenue vestimentaire, par l'épaisseur de sa barbe ou autre, ou le fait que sa femme ait le jilbab. Hein, ça, ce sont des notions, les gens nous catégorisent. Donc il faut essayer bi'idhnillah d'avoir le meilleur comportement possible, hein, en ne faisant pas de bruit, en respectant ces gens-là, en faisant preuve de générosité envers ces personnes-là, et aussi par la parole, hein, par la discussion, en apportant ce sujet-là et en les appelant directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Notamment lorsqu'il y a une certaine période où il s'est familiarisé à nous et que souvent les préjugés sont tombés et ne sont plus présents dans sa tête, il faut maintenant, inshallah, lui montrer que ceci est l'islam. Parce que lui, il va arriver à cette conclusion-là, il faut bien montrer que si tu as eu, alhamdoulilah, Allah t'a fait cet honneur-là de pouvoir montrer un bon comportement à tes voisins, de faire le lien entre ta pratique à toi et les fondements textuels qui existent en islam. Et aussi la prêche des chrétiens et des juifs. Je vais ouvrir une parenthèse par rapport à cela, car Allah subhanahu wa ta'ala parle notamment des chrétiens. Parle des chrétiens dans le Coran, Ahl al-Kitab, et des juifs, Ahl al-Kitab, car ils sont plus proches de nous que al-Mushrikoun, que les associateurs. Du fait qu'ils ont reçu al-Injil, qu'ils ont reçu al-Tawrah, qu'ils croient à des prophètes, ce qui fait qu'ils ont déjà la croyance en certains piliers que nous avons. Même si ce n'est pas une croyance complète, car la croyance complète à Isa alayhi salam doit amener à la croyance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais de ce fait-là, ils sont plus proches des musulmans que ne le sont les associateurs. Donc la prêche de ces gens-là est importante. Mais cette prêche-là, mes chers frères, c'est une prêche à l'islam. Et ce n'est pas une prêche à l'espace commun que nous avons avec ces gens-là. Comme c'est le cas de la prêche de beaucoup de personnes. Qui donc rencontrent les juifs, vont rencontrer le rabbin de la ville, vont rencontrer le curé de la ville, et vont s'asseoir et vont discuter en échangeant des textes, donc de la Torah, de l'Évangile, du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, du Coran, et vont essayer de voir et de faire émerger donc les points communs qu'ils ont. Alors qu'en réalité, les prophètes, alayhum as-salatu wassalam, ont été envoyés pour justement mettre le doigt sur la divergence. Et où se trouve justement le point qui fait que moi je suis musulman et toi tu es chrétien. Pourquoi est-ce que toi tu es chrétien et tu ne veux pas devenir musulman? Et pourquoi moi je suis musulman et je ne veux pas devenir chrétien ou juif? Et c'est sur ça que l'on va débattre. Et c'est sur cela que l'on va voir qui est dans la vérité. Mais se réunir et boire un pot et discuter et échanger des textes, sa première chose, c'est une bid'a, ça n'existait pas au temps du prophète alayhi sallam. Il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réuni avec des chrétiens ou des juifs et a discuté sur les points communs entre ces trois religions-là. Donc ça, c'est une bid'a. Si jamais ceci aboutit ensuite, donc à une conclusion, que nous sommes tous des frères, que nous sommes des frères, et que tous nous adorons le même Seigneur, et que notre divergence n'est qu'une divergence de chemin menant au même Seigneur, c'est du kufr. Et celui qui appelle à cette prêche-là, et qui ne déclare pas les chrétiens et juifs comme étant mécréants, est un mécréant. Celui qui ne déclare pas, quand je dis déclare, première chose, c'est dans le cœur. C'est dans sa aqida d'abord, il ne croit pas que les juifs et les chrétiens sont des kuffar. Pour lui, c'est des musulmans. Ou Allahu a'lam, dans l'au-delà. C'est-à-dire, là, quand je dis, c'est el-jins. Dire le type chrétien, Allah a'lam si il est en enfer. Le type, la famille, l'ensemble des chrétiens, cités dans le Coran et la Sunna. Ces gens-là ne seront pas en enfer. Celui qui dit ça est mécréant. Celui qui dit de même les juifs, Allah a'lam, ils seront peut-être au paradis. C'est-à-dire, ceux qui sont là après la venue du prophète Mohammed alayhi salatu salam. Les juifs, qui sont donc les juifs contemporains, après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces juifs-là, celui qui dit, ils ne seront peut-être pas en enfer, ce sont des musulmans, celui-là aussi est mécréant. Après les unités de ces gens-là, ce chrétien-là, ce juif-là, celui-là nous ne pouvons pas juger qu'il est en enfer tant qu'il n'est pas mort. Tant qu'il n'est pas mort et qu'il est vivant devant nous, car il se peut qu'il se repente. Mais appeler au fait que ces religions-là sont toutes des religions célestes, divines, et que notre devenir commun est le paradis, ça c'est de la mécréance avérée et claire. Donc ça c'est important, cette prêche-là est extrêmement dangereuse, et c'est Beridul Kufr. Ça c'est le chemin extrêmement rapide, El-Berid. El-Berid, c'est dans la langue arabe à la base, c'était le cavalier qui prenait le courrier et l'amenait. L'amenait à... Donc à destination, la poste actuelle, le courrier. Et les savants disent que ça, là, l'alliance aux mécréants, Beridul Kufr, c'est donc l'autoroute, nous on va dire par ça, c'est l'autoroute de la mécréance. Beridul Ridda, c'est le chemin tout droit vers l'apostasie. Car tu vas arriver dans des situations où tu vas faire des concessions sur tes usul ad-din, sur tes fondements, et tu vas sortir de l'islam, même si tu ne t'en rends pas compte. Donc c'est extrêmement important, cette prêche des chrétiens et des juifs ne se fait pas de cette manière-là. Donc, ad-da'wa ila Allah, azza wa jal. Donc, nous avons dit, c'est une obligation concernant ces connaissances-là que nous avons citées, la connaissance d'Allah, du prophète et de l'islam. Et les preuves donc de la da'wa sont nombreuses dans le Coran. Parmi celles-ci, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Ali Imran, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرُ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Que se forme à partir de vous un groupe. Donc, يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, qui appelle au bien et qui ordonne le convenable, interdisent le blâmable, et ce sont ceux-là, ceux qui ont réussi. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous êtes la meilleure communauté, suscitez aux gens, vous ordonnez le bien, interdisez le mal, et vous croyez en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi à la fin de surat Yusuf, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dis, ceci est mon chemin, le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. Quel est-il? أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ, j'appelle vers Allah. أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي, moi et ceux qui m'ont suivi. Ala basiratin, pardon, avec clairvoyance, ana wa man ittaba'ani, moi et ceux qui m'ont suivi, wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin, gloire et pureté à Allah, je ne fais pas partie des associateurs. Et le verset que nous avons cité, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al-hasana, appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et par le bon discours. On vient par rapport à notre situation contemporaine. Une notion qui est importante, hein, surtout pour les gens qui sont jeunes, c'est que le jeune, donc dans son esprit, dans ses croyances, il est beaucoup plus flexible que quelqu'un qui va arriver à un certain âge. Et donc, hélas, subhanallah, une des grosses lacunes, hein, de la jeunesse ici dans notre pays, c'est que par manque de science, ils ne vont pas prêcher. Ce qui est normal qu'ils ne prêchent pas puisqu'ils manquent de science. Notamment s'ils n'ont pas la science de ce à quoi ils veulent appeler. Mais ceci va créer un grave problème, subhanallah, qui moi me fait mal au cœur, c'est que donc le jeune ne va arriver sûrement à un niveau de science où il va être confiant de lui-même et ne va avoir un certain bagage de science pour pouvoir appeler Allah subhanahu wa ta'ala, et je veux dire notamment un appel qui aura un impact, un appel d'envergure, qu'une fois qu'il sera sorti de cet état dans lequel il est. Je parle notamment des étudiants par exemple. Des étudiants, ceux qui sont en université, dans les campus, ou ceux qui ont encore un contact dans les quartiers, etc., avec les jeunes. Il est certain que celui qui a son âge a un impact supérieur à celui qui arrive avec une barbe blanche et qui a 20 ans de plus, ou 30 ans de plus. C'est naturel, le jeune se tranquillise face à un jeune, notamment qui est peut-être dans sa promo, qui est dans sa classe ou autre. Mais hélas, souvent, donc ce camarade entre guillemets de classe ou de promo est souvent ignorant. Et même si dans son intérieur il a un souci d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, ce souci est bien face à une personne qui n'a pas de répondant et qui souvent ne cherche pas le pourquoi du comment. Donc parfois il va être touché par ton comportement ou bien par ton bon vouloir et ta bonne intention. Et il va parfois te suivre dans l'islam. Et il va dire, subhanallah, c'est bien ce que tu fais, et il va vouloir te suivre. Alors tu vas simplement lui expliquer la shahada, ou bien parfois tu vas l'orienter vers un frère et qui va lui expliquer cela, et il va entrer en islam. Mais ce n'est pas le cas souvent de ces gens-là. Parce que souvent, ces domaines-là universitaires, on peut avoir un très gros impact. On peut avoir un très gros impact. Parce que les gens souvent reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala dans ces périodes-là. Mais pour prêcher, il faut de la connaissance. Il faut, tu ne peux pas faire des conférences comme ça dans un campus devant 1000 universitaires et ne pas avoir de notions. Ce n'est pas possible. Tu vas parler de quoi? Tu vas parler de tawhid sans connaissance? Ça, c'est des gens, ils vont te harceler de questions. La plupart, ils ont des choubouhettes. C'est des gens qui utilisent beaucoup leur cerveau. Parfois mal, qu'ils l'utilisent ou il ne faut pas l'utiliser. Mais à ce moment-là, il faut être armé un minimum. Hein, quelle que soit la chose. Si on veut faire même une petite ambiance en faisant un cercle, on va vite être limité. Si on n'a pas de notion à aqidah, en fiqh, Même parler sur Birr al-Walidain, parfois nous on croit c'est facile. Parler sur le bon comportement des parents. Parfois une question simplement va t'arrêter. Et ces gens-là, souvent, dire je ne sais pas, ils ne le voient pas comme une qualité. On ne voit pas ça comme une qualité. Tu dis je ne sais pas, elle ne revient plus au cercle. Donc c'est pour ça qu'il faut être armé. Pas pour répondre à tout, ce n'est pas ça l'objectif. Mais pour pouvoir faire un travail d'envergure et intéressant. Sinon, la da'wa va vite s'arrêter. Et observez les jama'a qui nous entourent, qui ont donc des bonnes intentions dans la prêche, qui sont des gens dévoués, qui donnent beaucoup de temps, de leur argent, mais qui, lorsqu'ils ne sont pas armés, arrivent à une conclusion inévitable, un résultat inévitable, c'est que les gens, les adeptes s'en vont. Pourquoi ? Par non-satisfaction du contenu de la prêche. Car, al-ilm, tu ne peux pas trahir les gens. Ce n'est pas la peine de mentir aux gens, de dire que le ilm, ce n'est pas obligatoire, ou bien ce n'est pas obligé, ou autre. Il n'y a pas de din sans ilm, ça, c'est, il n'y a pas de religion sans science. Et notamment sans le seuil minimal de connaissance qui est celui évoqué par le shir, qui est la connaissance du tawhid, la connaissance d'Allah, du prophète de l'islam. Donc ça, c'est extrêmement important, mes chers frères, de prendre ça au sérieux. Pas pour que notre prêche perdure, c'est pas ça le but, ou bien pour que ton cercle perdure. Non, mais pour que tu puisses appeler les gens à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu n'as qu'une vie, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné cet honneur-là d'être dans l'islam, de comprendre ton islam, donc apprends-le et appelle les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Notamment les jeunes, ils peuvent faire, subhanallah, un ravage dans les milieux universitaires. Et le problème, c'est que ça, notamment, il y a des personnes qui en profitent. Et ce sont des gens qui prêchent par jehl, qui prêchent par ignorance. Parce que les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, et ça aussi c'est quelque chose, subhanallah, c'est un des problèmes d'aujourd'hui. Mais c'est que les gens pensent que quelqu'un ayant un certain niveau d'études mondaines, qu'un niveau d'études mondaines implique un niveau de science religieuse. Ça c'est faux ça. Moi je vois des affiches, conférences de docteur Kadakada, chirurgien cardiaque. Ça n'a rien à voir ça. Qu'est-ce que cette expression vient faire sous la conférence ? Il n'y a strictement aucun lien, mais strictement aucun lien entre le fait d'être un chirurgien cardiaque et d'avoir des connaissances en islam. Parfois, on voit professeur d'histoire-géographie agrégé. Ça n'a rien à voir. Professeur de philosophie à l'université de je ne sais où. Ça n'a strictement rien à voir. C'est même plus dangereux, ça. Professeur de philosophie, moi, je vais plutôt mettre en garde. Et de dire Allah a'lam sans connaître cette personne, il ne faut pas y aller. Parce que professeur de philosophie, c'est haram. Apprendre la philosophie, à la base c'est haram, mais ça peut être un fard kifaya pour répondre aux shubuhat, donc des philosophes. Il faut qu'une partie de la Ummah connaisse, donc ait la connaissance de la philosophie de ces gens-là pour pouvoir répondre à leurs shubuhat. Mais, professeur de philosophie, il enseigne ça? Non, ça c'est illicite, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Sauf s'il enseigne ça à une partie d'étudiants musulmans en sharia pour que eux à leur tour répondent aux choubettes, mais ce qui n'est pas le cas de ces gens-là. Donc, cette ignorance du minhaj, etc., fait que les gens viennent et écoutent des gens qui disent n'importe quoi. Alors après, on a des prêches permissives, des prêches vive la vie, moi j'appelle ça, et pas de problème, pas de haram, tout est beau, tout est gentil, et voilà, on amène la Ummah à la catastrophe. Et vous regardez, les étudiants sont touchés par cela. Le profil de l'étudiant pratiquant aujourd'hui en France, c'est quelqu'un qui tend vers ce minhaj-là. C'est-à-dire la aqida authentique, le tawhid, le shirk, qui sont allergiques souvent à ça. Pourquoi ? Parce que ça, c'est la prêche d'un autre groupe, ça. Des gens qui ont raté leurs études. Mais ceux qui ont réussi leurs études, pour pouvoir justifier leurs neurones, il faut qu'ils s'orientent vers une da'wa aqliya, vers une prêche intellectuelle fondée sur la raison. Mais la prêche littéraliste, la prêche donc des sélèves, ça c'est une prêche pour ceux qui ne réfléchissent pas trop. Et ça c'est totalement faux ça. Des gens comme Cheikh Ibn Taymiyyah, s'ils s'étaient lancés dans la médecine, ils auraient laissé loin derrière les Pasteur, l'Einstein et tout ça. Tout ça c'est des guignols par rapport à nos savants. Ça c'est des gens, c'est des étoiles dans l'intellect. Mais justement parce qu'ils avaient un vrai intellect, ils se pliaient au texte lorsqu'ils étaient présents. Et ce n'étaient pas des gens qui, pour prouver leur intelligence et leur raison et leur QI, ont frappé les textes avec leur hawa, parce qu'en réalité, ces gens-là, donc, qui font devancer leur raison sur leurs textes, sur les textes d'Allah et du prophète, sont des gens qui suivent leur passion. Donc, et les prêches de ce type-là sont relativement présents dans les milieux étudiants, donc il faut prendre garde de cela. Donc, Akhi Filel, il te reste encore du temps, apprends pour pouvoir, Inch'Allah, travailler de manière sérieuse et profonde dans le domaine où tu te trouves. Puis le cheikh dit, Arabi, à la quatrième, As-sabru ala al-adhafi. La patience par rapport donc au désagrément conséquent à la prêche. Naam, car c'est une implication de la prêche véritable. Ça, c'est important. Les désagréments, les difficultés, le mal va obligatoirement être subi par celui qui appelle au haqq, qui appelle réellement au Qur'an et à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est une implication obligatoire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans surat al-Asr, lorsqu'il dit à la fin, وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ. Donc après l'entraide mutuelle dans le haqq, qui est l'iman, la foi, et l'a'mal salih, l'a'mal salih, les œuvres pieuses, وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ. Et qui s'entraide mutuellement, se conseille mutuellement la patience. Celui qui appelle réellement à Allah subhanahu wa ta'ala, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, obligatoirement, mes chers frères, va entrer en conflit avec les passions des gens. Car par lecture analytique du Coran et de la sunna, en dehors du wahi, il n'y a qu'une chose, c'est al-hawa. En dehors de la révélation et de nombreux versets mentionnent cela, en dehors du wahi, de la révélation, il n'y a qu'une chose, c'est al-hawa, les passions. Donc celui qui va appeler à la révélation, au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam, avec cette condition qui est importante, bifahmi salafi salih, avec la compréhension des salafs que tout le monde prétend aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème, c'est que même cette condition-là, elle a été bafouée. Les gens disent par compréhension des salafs salih, tout le monde le dit maintenant. Mais nous, on ne va pas mettre sans condition après Kitab wa Sunnah. Car même les Ash'ari appellent au Qur'an et à la Sunnah. Même les Maturidi appellent au Qur'an et à la Sunnah, mais selon leur compréhension. Comme dit Cheikh Ibn Taymiyyah, il n'y a pas un innovateur sans qu'il n'ait une preuve du Coran et de la Sunna. Mais ce dalil est mal utilisé. Donc c'est pour ça que les savants disent bifahmi salaf, avec la compréhension des salafs. Mais même dans bifahmi salaf, aujourd'hui des gens sont rentrés, c'est des mourji'as purs et durs. Et ils disent bifahmi salaf. Il y en a, c'est des démocrates, bifahmi salaf. Etc. Donc en réalité, effectivement, si elle se fait selon la vraie compréhension des salafs, cette prêche-là va impliquer des désagréments. Des désagréments. Et les désagréments peuvent être de différents types. Ça peut être des désagréments au niveau du corps, comme de l'emprisonnement, comme des châtiments corporels. Ou ça peut être au niveau de ta personne, de ton ird, ta réputation, comme des rumeurs sur toi, des mensonges, des choses qui vont être inventées à ton sujet. Et quel est le fondement de ceci? D'abord le Coran. Allah Azza wa Jal dit, donc dans Surat al-Asr, comme nous l'avons expliqué, وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ. Luqman a dit à son fils, يَا بُنَيْ, dans Surat Luqman, يَا بُنَيْ, oh mon fils, أَقِمِ الصَّلَاةِ, pratique la prière, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, et ordonne le bien, وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ, et interdit le mal, وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, et patiente par rapport à ce qui va t'atteindre. Et Allah Azza wa Jal donc dit aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ. Et c'est ainsi qu'il n'est pas venu donc un messager à ceux qui t'ont précédé sans qu'ils disent c'est un sorcier ou bien c'est un fou. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. Et c'est ainsi que nous avons mis pour chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Puis Allah aussi subhanahu wa ta'ala dit, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Et nous avons certes, et certes, les messagers qui t'ont précédé ont été démentis, ont été traités de menteurs. Et ils ont patienté par rapport au fait qu'on les traite de menteurs. Et ils ont subi du mal jusqu'à ce que leur vienne notre aide. Donc l'implication de la da'wa marchant réellement sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'elle va subir donc des difficultés. Donc j'arrive à une conclusion qui est importante, c'est que certains, par ignorance, pensent que lorsque un prêcheur ou bien un mouvement subit des désagréments, que ce soit de la part d'un État, d'un gouvernement ou parfois d'autres, de personnes ayant du pouvoir, ça veut dire que ce sont des gens qui sont sur un minhaj faux. On va entendre des personnes argumenter sur l'authenticité de leur minhaj en disant que regarde, nous on est acceptés, nous, par les gouverneurs. Les États, ils nous acceptent, ils nous ouvrent des instituts, ils nous financent notre da'wa, on est acceptés hein, dans le terrain pour pouvoir faire des conférences, etc. Donc notre da'wa est selon une voie authentique. Et ceci est un mauvais raisonnement en réalité par rapport à l'implication donc des désagréments si la da'wa marche selon effectivement le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est une première conclusion. Penser qu'un prêcheur subit des désagréments ou un mouvement ou autre, ça veut dire que c'est une prêche qui est complètement fausse. Une prêche qui est complètement fausse. Non. C'est peut-être même un signe que sa prêche est réelle et que c'est une prêche qui est selon le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wasalam. D'où une autre conclusion qui est importante, c'est que certaines personnes, pour éviter ces désagréments-là, vont donc conditionner leur prêche à quoi donc? Nous avons dit que s'il n'y a pas wahi, il y a hawa. Et de nombreux textes le montrent dans le Coran, dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il n'y a pas wahi, il y a hawa. Et les gens n'adhérant pas donc au Coran et à la Sunna vivent selon leur passion. Donc le prêcheur, il a pour objectif d'appeler les gens donc à se conformer au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va les appeler à délaisser leur passion. Et il va les appeler donc à changer leur mode de vie pour pouvoir se conformer au livre d'Allah et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains prêcheurs donc pour éviter donc ce désagrément et donc cette confrontation au hawa des gens, aux passions des gens, vont donc conditionner leur da'wa en enlevant tout ce qui va à l'encontre des passions des gens pour pouvoir faire perdurer leur da'wa et que leur da'wa soit acceptée. Et ça, ce sont deux erreurs. Que la da'wa perdure, ceci ne relève pas de ta responsabilité. Et que ta da'wa soit acceptée, ceci ne relève pas de ta responsabilité. Certes, ta da'wa doit être selon le chemin du prophète alayhi salatu wasalam. Donc la da'wa du prophète alayhi salatu wasalam en elle-même comporte la facilité. La da'wa du prophète alayhi salatu wasalam en elle-même comporte la sagesse. Donc la da'wa du prophète alayhi salatu wasalam, comme il a prêché, comporte la facilité, la sagesse, etc. Donc ne pas parler par exemple de tawhid, ne pas parler de shirk, ne pas parler de bid'a, délaisser du haram souvent, pas dans le sens où celui-ci n'est pas prioritaire par rapport à autre chose. Pas dans ce sens-là. On peut délaisser momentanément le fait de faire émerger une notion haram parce qu'il y a un haram beaucoup plus important présent dans la communauté. Mais moi, je ne parle pas du fait de délaisser ce haram momentanément parce qu'il y a un haram qui est prépondérant et prioritaire par rapport à celui-ci. Je parle du fait de cacher un haram parce qu'il va, par exemple, à l'encontre des passions des gens. Cacher ce haram-là, ceci fait partie de la khiyana dans la da'wah. Ceci fait partie de la trahison, de trahir les gens que l'on prêche en réalité. Et notamment si ceci est en lien avec le tawhid. Ou bien on va avoir une prêche donc à ce sujet-là, dans une ambiance où les gens de pouvoir facilitent cette prêche-là. La prêche anti-sorcellerie, anti-shirk, elle ne vient pas des pays où il y a le shirk. Aujourd'hui, on regarde les audios et les écrits en lien avec cela. Ça vient de pays où justement l'État interdit cela. Où l'État interdit cela. Donc la prêche ne doit pas se faire par rapport à ce que les gens de pouvoir laissent faire. Ça, sinon, c'est la fin de la da'wa. Celui qui prend ce minhaj-là et qui veut absolument éviter les désagréments, quel qu'en soit le prix, quitte à sacrifier les fondements de sa religion, eh ben, sa prêche va amener non pas à ce que les gens n'y répondent pas, bien au contraire, beaucoup de gens vont adhérer à cette prêche-là. Mais en réalité, cette prêche n'est pas une prêche de vérité et elle va amener les gens petit à petit aux dangers qui pourront les amener sûrement à l'apostasie, à sortir de l'islam, même sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ce qui relève du prêcheur, c'est d'amener les gens au haq. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donc mentionné l'implication des désagréments par rapport à la prêche, se faisant selon le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que Luqman dit à son fils, ordonne le bien, interdit le mal, et patiente par rapport à ce qui va donc t'arriver. Et le prophète alayhi salatu wassalam est le meilleur exemple de ceci parmi les prophètes. Il dit « Uzitu ma lam yu'dha ahadun min qabli » J'ai été éprouvé comme personne n'a été éprouvé avant moi. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit « Ka'anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yahki nabiyan min al-anbiya yamsahu ad-dama 'an wajhihi wa yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. » Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit, c'est comme si je voyais encore le prophète alayhi salatu wassalam imitant un prophète qui essuyait le sang de son visage en disant « Oh Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. » Donc les prophètes ont saigné, les prophètes ont été blessés, des prophètes ont été tués, des prophètes ont été emprisonnés. Ce qui ne veut pas dire que nous cherchons cela. Car chercher l'épreuve aussi est un autre extrême. Tout comme éviter l'épreuve, quitte à sacrifier les fondements de ma religion, de même rechercher l'épreuve, ceci aussi est quelque chose qui n'est pas demandé. Bien au contraire, le musulman doit être intelligent dans sa prêche. Et observer l'environnement qui l'entoure pour pouvoir, Inch'Allah, au mieux prêcher de la meilleure manière, le plus longtemps, et en essayant d'avoir un impact le plus important possible. Donc le sabr, quelle est la définition du sabr ? Al-sabr, dans la langue arabe, c'est al-habs. Al-habs, wal-kef. Donc c'est l'astreinte et l'abstention, dans la langue arabe. Nous avions dit qu'à chaque fois un terme se définissait dans la langue arabe, puis dans le sens consensuel, législatif, al-shara'i. Donc en arabe on dit, umsika fulan sabran, quelqu'un a été arrêté, sabran, c'est-à-dire quelqu'un qui a été emprisonné. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyi yuriduna wajha. Wasbir nafsaka, et astreins ta personne. Astreins ta personne avec ceux qui évoquent leur Seigneur le matin et l'après-midi recherchant son visage. Dans l'istilah, donc dans le sens consensuel législatif, que veut dire la patience, as-sabr? C'est habsu nafsi 'ani al-jaz'i wa at-tasakhhuti wa habsi al-lisani 'ani ash-shakwa wa habsu al-jawarih 'ani at-tashwish. Donc c'est empêcher sa propre personne donc de s'énerver et de se mettre en colère. Empêcher sa langue donc de la plainte, de se plaindre, et empêcher ses membres donc de faire des mauvaises actions en raison donc de ce manque de patience. En raison, pardon, de cette patience. Et as-sabr, comme a dit Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, donc je tire ces paroles de Madarij as-Salikin, le sentier des itinérants, il dit qu'il est de trois types. Sabrun ala ta'atillah, la patience quant à l'obéissance aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sabrun an ma'asiyatillah, patienter par rapport à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième, sabr, ala imtihanillah, ou bien ala aqdarillah, patienter par rapport aux épreuves, à la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les deux premiers types, donc, qui sont la patience par rapport à l'obéissance d'Allah azzawajal. Donc, Allah nous a donné des ordres auxquels il faut répondre. Faire ceci demande de la patience. Patienter par rapport à la prière, patienter par rapport au jeûne, patienter par rapport à ces différentes choses-là. Patienter par rapport donc à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, patienter par rapport au délaissement de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces deux premières catégories sont donc des formes de patience dans lesquelles l'individu a une part de participation. Il découle d'une participation active de l'individu. Alors que la troisième, qui est la patience par rapport à la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une patience dans laquelle, par rapport à des événements par rapport auxquels l'individu n'a aucune participation. Ce sont des choses qui sont conséquentes à lui, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Et donc, Cheikh Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh disait que j'ai entendu Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, donc son Cheikh rahmatullah alayh, dire que la patience de Youssouf alayhi salam, la patience de Youssouf alayhi salam, par rapport au fait que la femme d'Al-Aziz, donc les draguer et les appeler donc au péché, était une patience qui était bien supérieure au fait que ses frères les jetaient dans le puits et puis qu'ensuite il était vendu dans les marchés. Pourquoi ? Parce que la première forme de patience dont a fait preuve Youssouf alayhi salam, que nous avons cité par rapport au fait que la femme l'ait appelé au péché, c'est une patience par rapport à quelque chose dans laquelle maintenant il peut participer ou pas. Il a un choix, il y a un libre arbitre de sa part. Alors que quand il a été jeté dans le puits, ça ne relevait pas de lui. Et lorsqu'il a été de même vendu dans le marché, ceci ne relevait pas de sa propre personne. Alors que maintenant il est dans une pièce et que cette pièce-là est fermée, qu'il a en face de lui une femme belle et d'une certaine position sociale et qu'il peut faire le péché ou bien délaisser ce péché-là. Donc cette troisième catégorie que nous avions citée tout à l'heure dans les paroles d'Ibn al-Qayyim. Première catégorie, patienter par rapport à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième, patienter par rapport au délaissement de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième, patienter par rapport à la prédestinée qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a écrite. Cette troisième catégorie est supérieure. La patience dans cette troisième catégorie est supérieure à la patience aux deux premières catégories. Pourquoi ? Parce que c'est une patience dans des choses qui ne relève pas de notre responsabilité. D'où le fait que Youssouf alayhi salam, sa patience est bien plus supérieure et honorable dans la situation avec Zuleyha, la femme d'Al-Aziz, que lorsqu'il a été jeté dans le puits, ou bien qu'il a été vendu dans les marchés. J'essaie de terminer biznillah avant le dars donc, que nous allons faire. Donc le dalil que rapporte Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi par rapport à ces quatre notions que nous avons citées, ces quatre obligations, qui sont la science, la connaissance, qui sont la pratique de celle-ci, appeler donc à la science et patienter par rapport à la da'wa. Le Cheikh rahmatullahi alayhi dit: والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc le Cheikh rapporte comme preuve la sourate d'Allah subhanahu wa ta'ala, sourate Al-Asr, dans laquelle Allah dit « Wal-Asr » par Al-Asr. Al-Asr, ici, il y a eu différentes explications de la part de beaucoup de sahaba et de tabi'in, radiyallahu anhum. Certains l'ont défini comme étant la prière, Al-Asr. D'autres l'ont défini comme étant la matinée, d'autres l'ont défini comme étant l'après-midi, donc l'autre défini comme étant le temps, l'époque, de manière complète. Et toutes ces explications, bi-idhnillahi azza wa jal, sont bonnes. Car comme l'établit la règle, lorsque les salafs, rahmatullahi alayhim, font l'explication d'un verset par une unité acceptée par le sens général, ça ne veut pas dire qu'eux visent la spécification du verset. Par exemple, Omar ibn al-Khattab dit « At-tarout al-shaytan »« At-tarout al-shaytan »« Wa man yakfur bi-tarout wa yu'min billah »« Faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa » Est-ce que nous disons que le sens d'At-tarout dans ce verset de Surat al-Baqarah, c'est « shaytan » et rien d'autre parce que Omar a dit « shaytan » Non. L'imam Malik a dit « c'est tout adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal » Ce qui est « shaytan » et plus. « Shaytan » et autre chose. Donc, le tafsir d'un compagnon par rapport à un verset, il ne vise pas la spécification de ce verset par rapport à cette unité citée. La règle est comprise, on la reverra plus tard, bi-idhnillah. Donc, wal asr, les différents tafsirs que l'on peut trouver chez les salafs, hein, sont tous bons, bi-idhnillah et azza wa jal. Wal asr, c'est le temps, avec un T majuscule, dans le sens, l'unité du temps. Wal asr, par le temps, inna l'insana la fi khusr. Allah subhanahu wa ta'ala dit, l'être humain, donc, et dans al-khusr, la perte. Inna al-insana. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, l'être humain, l'homme, dans le sens avec le grand H, dans le sens, l'être humain. Donc, il y a dedans la femme, il y a dedans l'homme, il y a le mécréant, il y a donc tout le monde, le croyant, etc., à la base dans cette expression-là. La fi khusr, sont dans la perte. Sont dans la perte. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ Sauf ceux qui ont cru. Donc, إِلَّا, cet ada, cet outil, adatu istithna, qui est un outil, donc une conjonction qui va nous permettre d'extraire de ce qui a été cité précédemment, donc une catégorie de gens qui vont répondre aux critères qui vont être cités après « illa ». Dans la première partie, « innal insana lafi khusr », ici à la base, tous les humains sont donc dans la perte. « Illa sauf », c'est l'équivalent de « sauf », donc en français. « Sauf », puis des critères vont être cités. Tout ce qui va être cité après « sauf » est une obligation pour sortir donc du premier état. Quel état ? L'état de perte. Donc sortir de l'état de perte pour le musulman est une obligation. L'état de perte, sortir, pardon, de l'état de perte pour une personne est une obligation, bien c'est mustahab. On a dit il y avait 5 statuts législatifs. Le wajib, l'obligatoire, le mustahab, le recommandé, le mubah, le permis, le makruh, le détestable, le haram, l'interdit. Sortir de l'état de perte, c'est une obligation, c'est recommandé, c'est permis, c'est une obligation. C'est une obligation. Donc, parce que cette sourate-là, elle va permettre de justifier les paroles de Cheikh Mohamed Abdel Wahab. Cheikh Mohamed Abdel Wahab est un humain qui se trompe, qui peut avoir des choses justes et des choses fausses. Est-ce que les paroles de Cheikh Mohamed Abdel Wahab, yajibu alayna ta'allumu arba'i masail, al-oula, al-ilm, etc., prises toutes seules sont une preuve et on va dire que donc des fondements de les fondements de la religion vont s'appuyer sur les paroles de Cheikh Mohamed Abdel Wahab? Non. Les fondements de la religion ne s'appuient pas sur les paroles de Abu Bakr radiallahu anhu. Sorti donc du Coran et de la Sunna, même les califes ne sont pas une preuve en eux-mêmes de manière indépendante. De manière indépendante. Donc ici on va essayer d'expliquer donc les fondements de Cheikh Abdel Wahab qui ont été cités auparavant. Innal insana lafi khusr, l'être humain donc court à sa perte, sauf. Donc sortir de la perte c'est une obligation. Donc ici on justifie l'expression yajibu alayna. Il est obligatoire pour nous. Il est obligatoire pour nous. يجب علينا. تعلموا أربع مسائل. الأولى الذي العلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sauf ceux qui ont cru. Peut-on croire sans science? La foi à la base, c'est ça part de la croyance. Croire à l'information qui va donner naissance ensuite à l'acte. Est-ce que l'on peut croire sans science? Pour croire à quelque chose, il faut avoir la science. Il faut avoir la science de cette chose-là. Je crois à telle information. C'est que tu connais cette information-là. Donc, al-ilm est un shart obligatoire car on ne peut pas croire sans science. Il est impossible de croire sans science. Et aussi, wa'amilu salihat. On ne peut pas agir sans science. Tout ordre d'Allah, ça c'est une règle dans le fiqh. Tout ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala implique la science de cet ordre-là. Wa'aqimu salah, ce verset-là en lui-même implique l'obligation d'apprendre la manière de prier. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Oh vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit de manière obligatoire. Ce verset-là, en lui-même, implique le caractère obligatoire d'apprendre la science. Car l'apprentissage d'une notion obligatoire est obligatoire. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru et pratiqué les bonnes actions. Ici, qu'est-ce que l'on prend? Le caractère obligatoire de l'action. يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. الثانية العمل به. La deuxième, c'est pratiquer cette science. Allah dit وعمل الصالحات. Celui qui ne pratique pas, il sort du khusr, il sort de l'échec évoqué par Allah au début du verset. Non. وتواصوا بالحق, et qui se sont conseiller mutuellement la vérité. Al-haq, c'est al-iman wa al-a'mal al-salihah. Donc c'est la foi et les bonnes actions. Donc ici on prend le caractère obligatoire de al-da'watu ilay, de la da'wa. Wa tawasaw bis-sabr, et qui se sont conseillés mutuellement la patience. On prend le caractère obligatoire de la patience. Donc celui qui n'est pas caractérisé par ces quatre critères cités après illa, sauf, n'est pas protégé d'être dans l'échec. Et dans l'échec, pardon. Puis il a rapporté la parole de l'imam Shafi'i, rahmatullah alayhi, qui dit « Lawma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafatahum ». L'imam Shafi'i a dit « Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait descendu sur sa création que cette surah, elle leur aurait suffi ». Que veut dire l'imam Shafi'i par là? Il ne veut pas dire que cette surah est suffisante par rapport aux détails de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, non. Car la prière n'est pas citée ici, ni le jeûne, ni le bon comportement avec les parents, ni toute autre action en dehors de ces quatre qui ont été cités. Mais cette sourate là, ce chapitre là, comporte les fondements de notre religion. Mais le détail donc de ces choses là, le détail de ces quatre fondements là, se trouve dans le Coran et la Sunna. Donc l'imam Shafi'i veut dire que en termes de grandes lignes, donc directives, directrices de pratique de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette sourate est suffisante. Mais il ne veut pas dire que c'est suffisant dans le sens du détail. C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymeen dit « Mouraduhu rahimahullah anna hadhihi surah kafiyatun lil khalqi fil hathi ala tamassuki bidini illahi bil iman wal amali salih wa da'watu ila Allah wa sabri ala dhalik wa laysa mouraduhu anna hadhihi surah kafiyah lil khalqi fi jami'i sharia. » Donc ce que veut dire rahimahullah l'imam Shafi'i, donc ce sont les paroles de Cheikh Al-Uthaymeen, je traduis, c'est que ce chapitre est suffisant à la création par rapport au fait de vouloir s'accrocher à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala par la foi, par les bonnes actions, par la prêche vers Allah et la patience par rapport à ceci. Mais le sens qu'il vise n'est pas que ce chapitre est suffisant à la création dans toute la sharia. Et nous terminons par la parole de l'imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi qui dit: وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك سورة محمد فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Donc Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab a rapporté une parole de l'imam Bukhari, al-Bukhari rahmatullah alayh, donc dans son sahih, dans son recueil authentique, dans lequel il a titré un chapitre en disant le chapitre ou bien chapitre la science avant la parole et l'action. Et l'imam Bukhari a rapporté comme dalil par rapport donc à ce titre-là, wa dalil qawluhu ta'ala, sache qu'il n'y a de divinité qu'Allah et demande pardon pour ton péché. Puis Cheikh Mohamed Abdel Wahhab dit, il a commencé par la science avant la parole et l'action. Donc l'imam al-Bukhari a dit que la science est une obligation avant l'action en prenant comme dalil donc ce verset de Sourate Mohammed, sache qu'il n'y a de divinité qu'Allah, donc sache, c'est la science, qu'il n'y a de divinité qu'Allah, wa staghfir li dhanbik, et demande pardon par rapport à tes péchés, ceci est une action. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait précéder la science à l'action dans ce verset-là, ce qui montre bien que la science est prioritaire par rapport à l'action. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.